Billy Bob, la fine équipe. Alors qu'il est appelle-nous les assassins de leur structure. Pour une part le nord, quand je suis à l'ouest, je fais la glacier du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. À ne parler que du passé, y'aura pas de futur. Pour ne pas perdre le nord, quand je suis à l'ouest, je fais la glacier du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. Je clôture chaque blessure par un point de suture. Soit le savoir et m'inspirer de l'état des lieux me désaltère. Alex, à l'heure qu'il est, je reste sérieux dans mes affaires. J'essaye de m'élever avant que ce monde ne me mette à terre. Avant qu'on creuse ma tombe entre les bombes et les cratères. Je souffrirai pour nous unir, écoute en touche d'espoir. D'ailleurs je me nourris de chacun de vous, pourtant je m'y retrouve même pas. Je suis sûr de moi, j'assure mes choix pour que le doute m'épargne. Combien vise haut mais le néglige si le mec tout pleure parle. Être bon ça fait mal et même la vertu a ses faiblesses, c'est vrai. J'ai vu peu de bonnes plumes de mon arbre devenu célèbre. À chaque projet que j'entreprends, je représente mes successeurs. Autant que ceux qui m'ont précédé, que le succès a laissé rêveur. Et je sais très bien qu'on arrivera à tout à partir de rien. Donc à présent, que mon passé me serve à bâtir demain. À tisser des liens, élargir le cercle des miens. Je prends le temps de le connaître afin que l'avenir me serre la main. Pour ne pas perdre le nord, quand je suis à l'ouest, je fais la glacier du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. À ne parler que du passé, y'aura pas de futur. Pour ne pas perdre le nord, quand je suis à l'ouest, je viens lâcher du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. Je clôture Alex, chaque blessure par un point de suture. Je me dis souvent que le temps n'est qu'illusion, qu'il n'y a pas vraiment de point de rupture. Aussi vrai que le passé n'est qu'un ancien futur. Ça oui, j'avoue que la route est stressante. Et j'aurais mis longtemps à comprendre que tout n'est que présent. Il y a quelques heures à peine, je tenais la main de celui qui était mon père. Dans cette chambre d'hôpital, on n'était que tous les deux. J'ai imploré le secours des yeux, c'est fou, mais je ne me serais jamais douté. Quand cette soirée d'août, je l'aurais vu pousser son dernier souffle sous mes yeux. La vie est étrange, tellement insaisissable, tellement pleine de sens, c'est dur de se le cacher. Qu'a que le présent pour une créature périssable dont le futur se conjuguera au plus que parfait. Tu te souviens de cette promesse qu'on s'était faite avec un autre frère de cause. Avancer tout droit, esprit ouvert et paupières closes. Et faire en sorte qu'une prose serve l'autre. C'était ma pensée du jour, frère, après tout, elle vaut ce qu'elle vaut. Pour ne pas perdre le nord, quand je suis à l'ouest, je fais la glacier du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. À ne parler que du passé, y'aura pas de futur. Pour ne pas perdre le nord, quand je suis à l'ouest, je viens lâcher du lest. De mes vagues sur les terrains vagues du sud. Pour ne pas perdre l'homme, j'oublie sa silhouette et me nourris de l'être. Je clôture chaque blessure par un point de suture. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, mais jamais sans l'équilibre et la volonté comme force première. J'ai abattu des murs, brisé des frontières, élevé mon hip-hop ainsi que les petits frères. Flow, flow, ok, show, show, ok. Sur tous les fronts, tous les sujets posés et frais. Juice pour super-héros dans ville du chaos. Mon ego est un survivant des grands fardeaux. Expliquer ma vie, non merci, tu connais la tienne. Ce putain de système qui fait qu'on devient tout chien et chienne. Je rappe toujours le savoir, ça va pas changer. Je vais pas t'envoyer t'écraser dans le mur du succès. Ne chie pas sur l'artisan, on est de moins en moins à faire attention à ses pas pour faire le taf avec soin. Reviens quand tu veux, y'aura toujours qualité et passion. Méticuleux sur la ponctuation.